tu bouleverses mon âme. La plus jolie des femmes, tu bouleverses mon âme. Tu as rallumé ma flamme, Diane. De tes lèvres, je suis fan. La plus jolie des femmes. De tes lèvres, je suis fan. Ma frustration est en panne, Diane. Toi, ma rousse diaphane, la plus jolie des femmes. Toi, ma rousse diaphane.